C'est quand je suis bien sous au 36e dessous, mais le sourire aux lèvres. Quand j'ai dans les guiboles suffisamment d'alcool pour marcher de travers, c'est dans ces moments-là, comme je ne me contrôle pas, que je vais rue de Sèvres, et que des heures durant allongé sur ce banc, je regarde sa lumière. Je regarde sa lumière, monsieur. Je regarde juste sa lumière. La lumière de sa chambre, où son beau corps se cambre sous d'autres que moi-même. Moi-même qui sur ce lit ai passé tant de nuits à lui dire que je l'aime. Mais c'était il y a longtemps, au moins 7 ou 8 ans, je ne suis pas rancunier. Mais n'imaginez pas que je viens souvent là, non, j'ai encore ma fierté. Quand je suis sous, monsieur, juste quand je suis sous. Moi j'en ai eu des rêves, puis j'en ai eu des beaux, puis il fallait me voir. Quand j'avais 22 ans, au fait du régiment, j'étais une vraie armoire. Mais les choses ont changé, je me fais bousculer quand j'arpente le trottoir. Je prendrai bien le temps de la rentrer dedans à tous ces blousons noirs. Mais je cherche bouteille, monsieur, moi. Cherche ma bouteille. Quand parfois la boisson domine ma raison, ben, je me contrôle plus. Et je deviens méchant et j'embête les gens. Et puis je me pisse dessus. Mais il y a au moins 3 mois que je n'ai pas fait ça, je ne suis pas un malpropre, non. J'aime prendre du recul avec le ridicule, et j'ai de l'amour propre. Mais c'est quand je suis sous, monsieur, mais juste seulement quand je suis sous. J'aurais besoin d'argent pour vivre décemment, mais la fortune m'ignore. Tellement que je m'en dis, j'en ai les fesses meurtries et il fait froid dehors. Dès le petit matin, à la sortie des trains, où j'ai mes habitudes, puis je m'en vais midi, taquiner le demi chez madame Gertrude, qui est une bien brave femme, monsieur. Une bien brave femme. Je sais que vous pensez que je devrais travailler comme les honnêtes gens. Je suis honnête aussi, mais le travail me fuit. Et puis, je suis souffrant. Si je savais conduire, peut-être pourrais-je m'enfuir, prendre la clé des champs. Mais pour ça, il faudrait Si l'envie m'en prenait, arrêtez de boire autant. Car je suis sous tout le temps, monsieur. Moi, je suis sous tout le temps.